De George Rodenbach, L'arbre. Chapitre 1. Le rendez-vous. Joss attendait Neil depuis un long moment au grand chêne des Trois Chemins. Elle était en retard, contre son habitude. Qu'était-il arrivé? Joss s'inquiéta un peu, attristé déjà par le crépuscule qui tombait maintenant, en tulle noire et rapide, sur la petite île de Zélande. Toute sa fraîche couleur de jardin sur les flots, de bouquets parmi les écumes inconsolables de la mer du Nord, se fanait. Joss sentit du soir descendre en lui aussi, et plus distincte, retentit l'éternelle plainte de la mer sur les dunes autour de l'île. Détresse du cœur humain qui regarde venir le soir et qui n'a pas d'amour. Mais Joss aimait Neil, sa belle promise. Les accordailles étaient faites. Sa mère, Barbara Lam, était d'accord avec Pieter de Roe, le père de Neil. Et s'ils se donnaient rendez-vous ainsi, loin de chez eux, dans la campagne, le soir, c'était pour exciter leur amour en se créant l'illusion d'amants contrariés, pour jouir du mystère, des cachotteries, de l'aventure. Et aussi parce qu'il y a des choses que les amants ne sentent et ne se disent qu'en face de la nature et de la nuit. D'ailleurs, c'était la tradition immémoriale dans l'île d'aller s'aimer au grand chêne des Trois Chemins. Aucun couple n'y manqua jamais. L'arbre apparaissait extraordinaire. Vieux de plusieurs siècles, maquillé par combien de saisons accumulées, bronzé par centenaires. L'écorce en était rugueuse, épaisse, comme minérale. On aurait dit un tronc découpé dans un rocher. D'infinies et d'inextricables branches sortaient de ce tronc, s'engendraient l'une de l'autre, se multipliaient sans cesse. L'architecture en était merveilleuse. C'était comme le résumé d'une cathédrale. Le tronc montait en hauts piliers, le feuillage déployait sa voûte, les rameaux se courbaient en ogives. Entre les branches, le ciel s'intercalait, comme un vitrail entre des meneaux de pierre. Cependant, que toutes les feuilles remuaient, ainsi que des lèvres, faisaient leur bruit de foule tassée et priante. Témoin immuable, le vieux chêne vit passer tous les amants de l'île. Il avait un peu oublié depuis des siècles, un peu retenu aussi. Combien voulurent marquer, là, leur passage, tout au long de ce tronc immense, sur cette écorce fantasque comme une mémoire. Signe d'amour, cœur gravé, ex voto symbolique, lettres enlacées, initiales. Une partie survivait, une autre s'effaçait, une autre avait péri. C'était un cimetière de noms. Joss regardait, déchiffrait. Il chercha le joli nom de Neil, qu'il avait aussi écrit là, avec la pointe de son couteau, au commencement de leur amour. Maintenant, le nom avait dû grandir dans l'écorce, comme dans son cœur. Il le trouva grandi, en effet, mais moins net. Les lettres s'étaient foncées, avaient repris le ton glauque de l'écorce, au lieu de la blancheur intérieure du bois mis à vif. Joss, du bout de son couteau, raviva le nom de Neil sur l'arbre. Et bientôt, il éclata, frais et neuf, comme une plante arrosée dans ce cimetière. Au même moment, Neil arriva. « Quel autre nom écris-tu déjà, méchant ?»« Je joue avec ton nom, » fit le jeune homme. « Tu as le nom de ton visage. » Et il l'embrassa. Et ils s'enlacèrent d'une chaste étreinte. Ils s'assirent sur le banc qui circule tout autour du tronc vénérable. Le soir tombait, décidément. Une brume ondulait sur les plaines. Les troupeaux de moutons rentraient, déjà vagues eux-mêmes, un peu plus de brume qui s'agglomèrent sur un point et qui va se dissoudre. Un dernier nuage clair se dédorait. Les moulins se ralentissaient, s'immobilisaient. Bientôt, ils ouvrirent leur grande croix noire sur le tombeau du jour. De la ville voisine arrivaient des sons de cloche. La mer commença sa plainte nocturne au rivage de l'île. Quelle ivresse grave donne à l'amour le soir qui tombe! Douceur de se sentir deux quand tout autour de soi s'efface, dépérit, disparaît, glisse aux ténèbres qui sont l'image sensible du néant et au sommeil qui est une petite mort. Les amants les plus obscurs s'en rendent compte et ils se cherchent au crépuscule. Nil s'abandonna à la douceur de l'heure. Jos s'abandonna à la douceur de Nil. Et ils recommencèrent l'éternel cantique des cantiques. « Que ta main gauche soit sous ma tête, disait Nil, et que ta droite caresse mon visage. » Jos répliqua, « Tu es toute belle, ma grande amie. Tes dents sont comme les poissons écaillés d'argent qui se montrent et se cachent dans le canal. Tes lèvres sont rouges comme les tuiles de nos toits. Tes cheveux sont blonds comme le chaume qui recouvre nos métairies. Tes bras sont les ailes d'un moulin et ils amusent le vent. » Nil écoutait, ravi, et si troublé aussi, dans une divine émotion qui semblait arrêter son cœur, retirer le sang de sa figure. « Nil, qu'as-tu? Tu es pâle ?» interrogea Jos un peu inquiet. « Si je suis pâle, c'est que la lune m'a regardé. » « Et moi aussi je t'ai regardée. Tu es toute belle, ma grande amie. Comme elle te va bien, ta guimpe de dentelle. Qu'il est éclatant, ton fichu de soie. Qu'elle tombe bien, ta robe juponnée et ronde comme une cloche. Et tes beaux bijoux, les pendants d'oreilles, les tire-bouchons d'or, la plaque du front, les larges bagues qui mettent ton petit doigt comme dans un étui en vermeil. Ici où le soleil est avare, tu en apprivoises les rayons, tu en multiplies le retentissement autour de toi. Mais est-ce avec tes bijoux? Est-ce avec ton visage? N'importe, nul ne porte comme toi l'antique costume de notre île. Nul n'est belle comme toi. » Nil répliquait, « Toi aussi, tu es beau. Mon bien-aimé est entre les jeunes hommes comme le grand chêne des trois chemins est entre les arbres de l'île. J'ai désiré son ombrage et m'y suis assise et les fruits de ses paroles ont été doux à mon palais. » Jos et Nil s'enlacèrent de nouveau et ne parlèrent plus. L'enchantement du grand chêne des trois chemins opérait. C'est d'y venir qu'ils s'aimaient ainsi. L'amour est un fluide, et les fluides se localisent, se transposent. On peut douer un arbre de fluide magnétique. Il y a des arbres chargés de foi, où des miracles s'accomplissent à cause d'une vierge et qui communiquent la foi. De même, le vieux chêne de l'île était chargé d'amour. Tout l'amour exhalé ici par des millions d'amants, au long des siècles, et qu'il assuma, aspira, mêla à sa sève, à ses racines, à son tronc, à ses feuilles. Il vécut dans de l'amour comme dans une atmosphère spéciale, une serre chaude aux vitres invisibles. Il eut pour chaleur des baisers, pour pluie des larmes. À jamais il est tout amour. Il dégage sans cesse celui qui l'a résorbé. Tout lieu de rendez-vous fréquenté, une grotte, une berge de canal, un banc solitaire, pourrait devenir un bon conducteur de cette électricité d'amour. Mais cela arrive surtout aux arbres, mystère de nature, souvenir héréditaire de l'Éden, dont la scène constitue le seul drame humain, toujours le même, au pied de l'arbre identique, qui peut tout le bien et tout le mal, toute la joie et toute la douleur. Sous le grand chêne des trois chemins, Jos et Neil recommençaient le paradis. Enchantement d'un amour innocent. Leurs doigts se tressaient, mais sans fièvre, sans plus de fièvre que les cheveux partagés d'une vierge quand elle les réunit en natte. Ils s'étaient tus longuement, trouvant au silence le même charme qu'aux paroles. Puis ils parlèrent de nouveau, à voix basse, pour ne pas effaroucher les idées frêles et douces qui naissaient entre eux. L'heure avait fui. Neil voulait partir. Jos suppliait. « Reste, encore un peu. Ne pars pas avant que la campagne soit toute noire, avant que tes yeux soient tout à fait noirs. » Il la ressaisit, renversa sa tête. « Il fait encore clair dans tes yeux. J'y vois l'arbre qui s'y mire tout entier, la cime en bas comme dans une eau. J'y vois du paysage, les fermes lointaines, le moulin que tu regardes. Et je me vois moi aussi dans tes yeux. Je me ris à moi-même. Ne pars pas. Tu partiras quand je ne m'apercevrai plus. » Neil acquiesça. « Oui, mon bien-aimé, que ta main gauche soit sous ma tête et que ta droite caresse mon visage. » Heure divine, pure extase face à face, où leur amour se réciproquait dans leurs yeux. Tout à coup, parmi la solitude muette, des voix s'entendirent, des cris discords, des chants hurlés. Le silence parut souffrir. Ce n'était pas la langue reconnaissable de l'île. Jos et Neil avaient dressé l'oreille. Déjà, le tumulte était tout proche. Des silhouettes se dessinèrent, imprécises, dans l'ombre. Mais Jos les avait reconnues. « Ce sont les étrangers, » dit-il, « ceux qui sont venus ici pour établir le chemin de fer. » C'étaient eux, en effet. Une minute après, ils défilèrent en bande devant le banc où Jos et Neil continuaient à se tenir enlacés. Tous étaient ivres et accablèrent les ingénus amants de mots crus, de rires épais, de colibés, de hoquets avinés, de gestes obscènes. Tout un ourvari dont Jos trembla pour Neil. Lui-même s'en sentit comme souillé, découronné de la couronne bleue et grise dont ce soir inoubliable avait ceint leurs deux fronts en même temps. Il murmura avec rancune « Ces maudits étrangers !» Neil se leva pour l'adieu, et tous deux eurent la sensation, à cette minute, que leur amour était comme l'eau du canal traversant l'île quand on y a jeté des pierres, détruit tous les beaux effets. Les étrangers avaient jeté des pierres dans leur amour. Chapitre 2. Les étrangers. Il y avait, tous les après-midi, vers 5 heures, quelques amis réunis chez le vieux pasteur Titeka, dont la maison était bien connue à l'angle de la place. C'était la plus belle, avec sa façade à pignon, ses multiples fenêtres ornées de l'écran traditionnel, d'un bleu de fumée. Le pasteur Titeka avait du bien. C'était un des hommes les plus considérables de l'île. Son père déjà était pasteur, son aïeul aussi. Il incarnait la tradition, toutes les coutumes ancestrales, les souvenirs de l'histoire. Il tenait, plus qu'aucun autre, à l'esprit national, à la conservation intacte de l'île qui, au milieu du nivellement moderne, avait gardé, par on ne sait quel miracle, l'intégrité de son paysage, de ses mœurs, de ses costumes. Le pasteur Titeka se montrait pour lui-même un gardien vigilant du passé. Sa demeure était cossue, mais sans aucun meuble de goût moderne. Des bahuts, des buffets de Zélande aux antiques marqueteries de feuillages et de tulipes rouges. Des dressoirs en vieux chêne, avec toutes sortes d'assiettes, de vases de Delphes, de cruches à bière, et des plats en étain aux splendeurs mates, l'étain qui les met. Clair de lune de l'argent. Sous le manteau des hautes cheminées, une mosaïque, blanc et bleu. Un réchaud brûlait sans cesse, chauffant le thé, que ses amis venaient l'après-midi déguster avec lui. Ceux-ci fumaient, en même temps, de gros cigares, mais le pasteur, toujours par fidélité aux vieux usages, fumait une longue pipe de porcelaine blanche où était peint un navire. Et la fumée de tabac se déroulait parmi le salon suranné, créait dans l'air des arabesques, mystérieuses comme les lignes de la main et comme la destinée. La causerie se déroulait de même. Parfois, on faisait de la musique. L'organiste de l'église, qui était parmi les assidus, touchait d'un vieux clavecin aux notes lointaines de Carillon, et le pasteur, un peu mélomane, l'accompagnait de son violon, se plaisait à quelque vieillère du pays, une de ces rondes sur des airs de chansons populaires que chantent les enfants en hiver sur les canaux gelés. Les poissons ont chaud sous le plancher blanc de la glace, nous avons chaud en courant dessus. Ce jour-là, on ne songea pas, d'abord, à faire de la musique. Le bourgmestre, un des habitués, venait d'apporter de fâcheuses nouvelles. Une rixe violente avait éclaté la veille à l'auberge de la demi-lune. Le pasteur Titeka s'étonna. Comment ? L'auberge de Pieter de Roux ? Mais c'est une des plus honorables du pays, et elle devrait être toute à la joie maintenant que la jolie Nil est promise au fermier Josse. Justement, reprit le bourgmestre, des jeunes gens y fêtaient les accordailles. On avait même suspendu au plafond, selon l'usage, la couronne de papier symbolique, une croix dans des fleurs pour figurer la joie et les tribulations du mariage. Les étrangers sont entrés, ont voulu se mêler à la fête, lutiner les filles. On a joué du couteau, il y a plusieurs blessés. C'est désolant. Le pasteur Titeka fut indigné. Encore ces étrangers! Je crains bien qu'ils ne nous apportent tous les malheurs. Pourquoi les a-t-on laissés venir? Pourquoi a-t-on consenti à ce chemin de fer? L'île était si heureuse! Hans, l'organiste, qui ne manquait jamais, par flatterie et un peu par zèle admiratif vis-à-vis du pasteur, de renchérir sur ce qu'il venait de dire, déclara à son tour « Certes, nous risquons de tout y perdre. Avec le chemin de fer, on mettra notre île à la mode, des touristes arriveront et nous deviendrons comme eux. C'est même un miracle que nous ayons échappé jusqu'ici. » Titeka observa. C'est grâce à la mer. Quelques îles seules sont restées originales. La mer les défend, les isole. On dit que le sel conserve. Le sel de la mer, infiltré dans nos dunes et nos rivages, nous a conservés. Maintenant, avec ce chemin de fer qu'on construit et cette jetée nous reliant au continent, nous ne serons plus isolés, ni par conséquent conservés. Et nous deviendrons pareils aux autres. » Cette évocation les rendit tous pensifs. Oui, les costumes, c'était le legs sacré, la tradition intacte des aïeux. Et où trouver plus délicieuse toilette que celle de leurs femmes? Un corsage, mystérieux comme un tabernacle, avec la guimpe, le fichu fleuri qui se croise, le collier de corail et la jupe, si ample sur plusieurs jupons superposés, leur donnant la grâce pompeuse des infantes de Velasquez. Et aussi l'ornementation de la tête, emmaillotée dans de la dentelle et des rubans qu'anime un cliquetis de bijoux. Le costume masculin était antique aussi, eux-mêmes le portaient. Veste courte de drap noir, culotté noir, maintenu par une ceinture à la boucle ciselée, cravate de soie éclatante, qu'attache une broche filigranée. Et le visage glabre, les cheveux longs, ramenés sur les joues et coupés droit, comme les héros et les donateurs dans les triptyques des primitifs. Allait-il renoncer à ce qui les faisait uniques dans l'univers ? Le bourgmestre rompit le silence, propice aux réflexions pénibles et qui pesaient à chacun. Il fit un aveu pire. Ces maudits étrangers n'ont pas seulement apporté déjà l'ivrognerie parmi nous, ils veulent introduire la prostitution. C'est infâme ! Cria Hans. Et vous ne pouvez pas prendre des mesures ? Le bourgmestre reprit. Voici les faits. Jusqu'ici, vous le savez, ils furent tenus en méfiance, de la part de nos femmes surtout. Ils avaient compté sur un autre accueil. Or, ce sont d'allègres gaillards, fas et bouillants. Il leur faut des maîtresses. Ne pouvant en obtenir par charme et séduction, ils ont essayé de l'argent. Ils en ont offert, je le sais, à telle et telle. Elles les ont repoussées avec plus d'étonnement que de colère, ne comprenant pas bien ce que cela voulait dire, et qu'une femme pût se donner à quelqu'un qu'elle n'aimait pas, et qu'il y eût des hommes pour demander leur corps contre de l'argent. « Je le disais bien que le malheur est entré dans notre île avec eux, » conclut le pasteur. « Notre île, si exemplaire !» ajouta le bourgmestre. « Quand je pense qu'il n'y avait même pas un enfant naturel sur nos registres d'état civil, nous n'en manquerons plus bientôt. » « En attendant, » récapitula le pasteur, « nous avons déjà l'ivrognerie, la prostitution, premier bienfait de la civilisation, sans compter la haine. Celle-ci est partout maintenant dans le pays. Auparavant, chacun possédait un petit bien à peu près pareil. Il vivait content, étant l'égal de son voisin. Les étrangers, en nous apportant leur chemin de fer, ont fait ce qu'ils appellent leurs expropriations. Ils ont acheté ici, morcelé là. Les domaines se sont trouvés tout changés. L'un reçut une grosse somme pour sa terre et devint brusquement beaucoup plus riche. Un autre vit son bien augmenter de valeur par sa proximité avec la gare, les nouveaux établissements. D'autres ne vendirent pas, s'appauvrirent. Tout fut bouleversé. Des frères qui avaient reçu une part égale ne l'ont plus telle. La haine éclate partout, dans tous les villages, dans toutes les familles. J'ai voulu intervenir, ci et là, réconcilier des parents, de vieux amis soudain brouillés. C'est inutile, l'argent est en jeu, il a déchaîné les passions. Le bourgmestre paraissait accablé par toutes ces constatations. Il essaya de se rassurer lui-même, interrogea le pasteur. « Peut-être que le temps arrangera les choses. »« Oh non, les ravages sont profonds, » répondit Titeka. « Il suffit de voir le pays lui-même, tout en laidi déjà. C'est le symbole de ce qui se passe. Les étrangers vont dégrader les âmes comme ils dégradent le paysage. Pour établir leur voie ferrée, ils ont morcelé nos belles plaines, coupé des futaies séculaires. » Comblé une partie du canal traversant l'île, abattu des moulins. Ils nous ont traités en pays conquis. L'île n'est plus à nous, l'île est à eux. Il y eut un silence. Chacun suivait des pensées graves et tristes. Surtout que le crépuscule entra par les fenêtres, dédora les cuivres, tendit d'un crêpe noir les miroirs, se posa en ton livide sur les porcelaines du buffet, la mosaïque blanc et bleu. L'écran de fumée des fenêtres devint un écran de deuil. Le pasteur ne songea même pas à faire allumer les lampes. Un grand assombrissement entrait en eux et sortait d'eux. Rencontre du soir et de leur désespoir. « Nous devrions lutter, résister !» interrompit Hans. Le pasteur s'était levé. Il semblait avoir pris une décision brusque. Vouloir faire une diversion à tout prix, se changer les idées, oublier la triste réalité. Il alla prendre dans la boîte son violon. Ah, comme il lui parut triste, son violon, dans la boîte oblongue comme un petit cercueil. Son violon, qui avait tant de fois joué les vieilles rondes de l'île, accompagnement mélodieux des aïeuls aux danses et aux patinages d'autrefois. Le violon se les remémorait, gardait intactes les antiques airs. Titeka donna la partition voulue à l'organiste, déjà installé devant le clavecin. Et ils jouèrent, dans le soir tombé, les musiques du passé, comme si c'était assez pour abolir le présent et sauver l'île. Chapitre 3. La kermesse. Ce fut le temps joyeux de la kermesse, après les moissons. On arriva à la ville de tous les villages de l'île, ceux qui étaient proches, comme le village de Jos et de Nil, où parvenait encore distinct le carillon de la tour, ceux qui étaient aux extrémités, vers les rivages, au pied des dunes. De toutes les routes affluèrent les chars indigènes, d'une forme si originale, sinueuse et chantournée, à la fois chaise à porteurs et galère antique. Une foire occupait la grande place. Baraques, théâtres, jeux, loteries, manèges de chevaux de bois, tournant dans un vertige d'étoffes à paillettes et de miroirs. Des ronflements d'orgue, des boniments de parade, sans compter la liesse d'une foule grossissante, toute à la joie de vivre, en cette île heureuse d'être innocente. Jos y était venu avec la vieille Barbara Lame, sa mère, un peu effrayée parmi cette cohue et mal assurée sur ses jambes. Ils avaient donné rendez-vous à Nil dans une des grandes auberges de la place. Ils y entrèrent et la trouvèrent qui attendait déjà au milieu d'une bande de jeunes filles, debout dans un coin et se tenant enlacée à la taille, selon l'habitude fréquente, là, en une chaîne étroite et harmonieuse. Nil se détacha, s'en vint vers eux, un peu rougissante. Elle avait ses plus beaux atours. Jos se mira dans ses bijoux, se regarda dans ses yeux, qui étaient clairs comme de l'or. On dansait. Les couples tournaient sur la vaste musique d'un orgue, bruit grondant comme la mer, rythme qui déferle. C'était une sorte de valse avec glissement de pieds souvent répété et terminé par un baiser. Au plafond se déployait la couronne de la jeunesse, un grand lustre à plusieurs branches formé de verdure et de fleurs rouges. La jeunesse dansait, libre, amoureuse, s'empoignant à pleine étreinte dans ce jour de galante tolérance, qui est le signal de presque toutes les rencontres et fiançailles. Les doigts tressés aux doigts, les lèvres cherchant les lèvres. Et tout cela si ingénu, si conforme à l'idylle éternelle. Des jeux d'amour puérils, comme d'offrir à la femme un verre rempli de liqueur, et de tenir le verre par le pied entre ses dents, tandis que la femme boit, le visage tout proche. Suave harmonie des choses en ces pays qui sont voisins de la nature. La liqueur qu'on y boit, surtout, est ce chiedam onctueux, d'argent fluide, couleur du soleil dans les brumes, qui est d'argent aussi, et réchauffe aussi, en silence. D'autre part, c'est la région des tulipes et occupant des plaines immenses, formant des tapis colorés et frêles. Et les vers, dans lesquels on boit, ont à leur tour la forme des tulipes. Analogies subtiles, harmonies unanimes, qui mettent tout d'accord selon un rythme initial, lequel n'existe plus que dans quelques îles vierges. Donc, Jos était assis avec Nil, en un coin isolé. Ils étaient plus graves que tous ces joyeux couples buvant et dansant, comme ceux qui sont déjà plus avant dans leur amour. Ils parlaient peu, étourdis par le vacarme, la poussière soulevée et les danses. Jos tenait les mains de Neil dans les siennes, mais il les sentait plus calmes, presque indifférentes. On aurait dit qu'elles étaient endormies. Où est le premier temps où leurs mains se rencontraient, si impressionnables? Elles se touchaient alors comme des flammes qui s'augmentent de se joindre. Jos s'inquiéta de cette froideur de Neil. Elle avait l'air changé depuis quelques semaines. Elle rêvassait, les yeux ailleurs, quand il lui parlait. Et il avait l'impression de devoir, chaque fois, ramener ses yeux à la conversation. Elle n'en était que plus jolie, avec ses yeux où était l'horizon, ses yeux d'eau, comme on en trouve dans les îles et les provinces de Cano. Et puis, aujourd'hui, elle avait mis tous ses falbalas de fête. « Tu es toi-même une kermesse !» chuchota Jos. « Tes bijoux carillonnent !» Il disait cent choses tendres, s'efforçait de plaire. Et Neil souriait un peu, serrait d'une petite pression meilleure les mains de Jos, inquiète et toujours dans l'attente. Soudain, il se passa, on ne savait quel incident sur la grande place. On aperçut, à travers les hautes vitres, que du tulle ornait comme des fleurs de gelée, des rassemblements, des remous de foule, des cris, un vaste émoi. Les danses s'interrompirent. La plupart coururent au dehors pour s'informer, voir. La vieille Barbara Lame s'était rapprochée de Jos, un peu alarmée. Qu'était-il arrivé? On voyait au loin le bourgmestre et aussi le pasteur Titeka, l'air très ému, le visage décomposé, attendant au coin de la grand-rue, tandis que la police repoussait la foule, cherchait à frayer un passage libre jusqu'à l'hôtel de ville. Tout à coup, il y eut un immense silence. La ville, instantanément, cargua toutes ses rumeurs. Un cortège déboucha. Quelques hommes portaient un corps. Un cadavre, peut-être. Quel accident était arrivé dans le pays? La vieille Barbara Lame s'était signée, comme elle en avait coutume devant la mort. Il y eut une soudaine brume sur les yeux d'eau de Neil. Jos était allé aux nouvelles. Il revint bientôt près de sa mère et de Neil. Un horrible événement! Il s'exprima en mots brefs, à voix entrecoupée. Au grand chêne des trois chemins, un pendu! On l'a trouvé dans les hautes branches, mort, et depuis des heures sans doute, il était tout froid. La foule avait fait cercle, écoutait. Tous demeuraient épouvantés et se taisaient, perdus dans de graves songeries. Un pendu, un suicidé, donc un homme s'était tué lui-même. Cet acte horrible, ce crime inconnu chez eux, dont les pasteurs, immémorialement, parlaient en vagues allusions comme d'un péril contagieux contre lequel il ne fallait qu'à peine les mettre en garde, un vice de civilisation dont ils étaient exempts. Voici tout à coup que le spectacle en éclatait dans l'évidence du soleil. Pour que nul n'en ignorât, le suicidé avait montré sa face blanche, ses lèvres vertes, son ricanement d'agonie devant les habitants de toute l'île réunis en kermesse. Le cadavre du pendu leur avait tiré la langue. « Qui est-ce? Qui est-ce ?» crièrent autour de Jos les danseurs qui étaient demeurés dans l'auberge. Jos ne savait pas encore. Tout le monde resta dans l'attente. L'orgue n'avait plus osé recommencer sa mugissante musique. Il se taisait. Les voix aussi avaient peur, se répondaient en chuchotement, s'interrogeaient avec une stupeur que rien ne satisfaisait. Comment cette action criminelle, qui s'accomplit parfois, paraît-il, dans les grandes villes perdues, avait-elle pu se commettre dans l'île? Quel malheureux osa tenter lui-même à sa vie, par conséquent, à la vie de l'univers, à la vie de Dieu, C'est le plus grand péché, celui qui n'avait jamais souillé l'île. » Tout à coup, les curieux obstinés qui avaient continué de guetter aux fenêtres crièrent « Le pasteur Titeka va entrer, nous allons savoir !» Le silence s'agrandit. Un instant après, le vieux pasteur, qui était l'orgueil et la sagesse de l'île, le phare continué des vieux âges, pénétra en effet. Il était un peu plus pâle, sa barbe en parut moins blanche, comme la neige quand passe un nuage. Toutes les têtes s'étaient découvertes. Il y eut dans l'air quelque chose de religieux. Les regards interrogeaient. Titeka était très ému. « C'est un grand malheur, » fit-il. « La face de Dieu se détourne d'ici en ce moment. » Sa voix tremblait en s'élargissant. Il avait la voix qu'on a dans les cimetières en parlant devant une tombe. Il reprit « Heureusement que ce n'est point un indigène de notre île bien-aimée. Le scandale a été donné par un des étrangers, un de ces maudits étrangers qui décidément apporteront chez nous tous les vices. Prions Dieu, mes frères, qu'il nous en délivre au plus tôt. » Une colère contenue avait agité sa voix, qui fut contagieuse. Des cris de haine montèrent. On entendit un cliquetis de couteaux qui s'enhardissait hors des gaines. Joss, involontairement, mit la main au sien, le beau poignard à manche d'argent ciselé, qui, selon l'habitude, pendait à sa ceinture. Il avait d'instinct, lui aussi, la détestation de ces intrus, au verbe haut, et qui traitaient l'île en pays conquis. En même temps, il regarda Nil d'un regard plus tendre, elle, la belle fleur intacte de la race, le miroir qui réfléchit le seul ciel natal. Il fut stupéfait. Nil avait pâli, offrait un visage bouleversé. « Qu'as-tu ? Tu es malade ? Non, un peu, cette histoire, le mort que j'ai vu passer, comment s'appelle-t-il ? » À ce moment, un groupe nouveau avait entouré le pasteur Titeka, l'interrogeait de rechef, demandait des détails, le nom de l'étranger. « Je l'ignore encore, » répondit le pasteur. « C'est, paraît-il, un homme qu'on désigne sous un sobriquet, l'homme roux à cause de la couleur de ses cheveux. » Nil parut bientôt se remettre. Le sang revint en marée haute sur ses joues incolores. Tout ce qui avait chaviré dans ses yeux recommença. De calmes reflets y régnèrent. « Je vais mieux. » Elle voulut partir. Joss ne comprenait rien, répondait machinalement. En lui-même, il examina, chercha la cause possible du singulier émoi de Nil, construisit et renversa en un moment sans hypothèse. Certes, elle n'avait pas pu cacher un trouble immense, une émotion qui la fit blême et chancelante. Et comme on n'en éprouve que pour le malheur d'un proche, un accident qui vous atteint au cœur. Le plus étrange, c'est qu'elle parut soudain rassurée quand le pasteur nomma l'homme roux. Est-ce que, par hasard, elle connaît quelques-uns de ces étrangers, toujours rôdant autour des belles vierges de l'île? A-t-elle craint pour l'un d'eux, qu'elle rencontra? Qu'elle n'aime pas, assurément, mais qui l'aime et le lui a dit, peut-être? Sinon, comment expliquer un tel désarroi et une anxiété qui ne cessa qu'avec l'identité divulguée du mort? La jalousie mordit le cœur de Joss. La logique le mena à une évidence. Il rejoint Toya de minimes indices. La certitude apparut. « Malade, disait-elle, c'est le prétexte vulgaire. » Elle se montra bouleversée, puis rassurée instantanément. C'est donc qu'elle avait craint pour quelqu'un, pour un de ces étrangers, qu'elle connaissait par conséquent, qui n'était pas le mort et qui, lui, vivait. C'était simple et c'était terrible. Joss éprouva une sensation atroce, une sensation vraiment physique de naufrage et de chute au fond de son cœur. Il lui sembla que son cœur était de l'eau et qu'il y sombrait un navire. Il lui sembla que son cœur était de la terre et qu'on y descendait un cercueil. Neil insista. « Si nous partions ?» Elle avait même pris le bras de la mère Lame et l'entraînait vers la sortie, quand un nouvel afflux de foule entra, les repoussa, accula les danseurs vers les angles, tournoya dans une bousculade énorme qui avait commencé au dehors et ne cessa pas. Houle humaine, remous de jambes et de dos, et les mains en écume blanche au-dessus. Il y avait des hommes et des femmes, mêlés inextricablement, et qui combattaient, eût-on dit, mais avec plus de désir âpre que de colère. C'était comme un tourbillon de vendangeurs se disputant des grappes. La vieille Barbara Lame, qui avait des peurs nerveuses d'enfant, s'effraya. « Qu'est-ce qu'ils font ?» Tout à coup, un cri retentit. « La corde !» C'était, en effet, la corde du pendu, à laquelle on n'osa pas toucher d'abord. Mais quand le cadavre traversa la grande place, un groupe s'enhardit, s'étant ressouvenu de la vieille croyance superstitieuse, et coupa la corde. Alors, ce fut une bataille. Chacun en voulait un morceau. La corde ne cédait pas. Elle lia bientôt des groupes frénétiques, sans cesse renaissants, les affola, les tirailla, les mena en tous sens, sans se donner. Elle venait d'aboutir à la salle de danse, où tous ceux qui étaient là, à leur tour, s'en mêlèrent, se ruèrent à l'assaut. Comment la vaincre, obtenir pour soi un fragment du serpent mortel qui avait déjà glissé indemne entre des milliers de doigts et se refusait toujours. Ah, s'assurer un tel talisman, cette chance unique dans l'île, de la corde que la mort immunise et dote d'un miraculeux pouvoir. La violence du désir faillit à mener une vaste rixe. Quelques-uns avaient coupé avec leurs couteaux aigus la corde récalcitrante. Les autres s'obstinaient avec rage. Le pasteur Titeka intervint, calma les ardeurs. Il dit « Rien ne porte bonheur, on empêche seulement le malheur. Et vous croyez que des choses comme la corde d'un pendu empêcheront le malheur ? Pauvre de nous, vous avez beau vous prémunir, le malheur est entré dans l'île. » Joss, à l'écart, songeait. Il s'ancra dans son soupçon, se sentit envahir par une immense tristesse, n'entendit même plus le tumulte, eut la sensation d'être seul. Neil s'était approché de lui. Elle lui demanda « Toi, tu n'en prends pas ? Tu ne veux pas pour nous porter bonheur ?» Joss tressaillit. La jalousie le mordit au cœur, plus loin. Il souffrit davantage, comme un fruit qui n'était qu'entamé et où toutes les dents voraces s'enfoncent. Neil le regarda, si délicieuse. Il était naturel que d'autres l'eussent aimé et dussent l'aimer. C'était un trop beau trésor. Mais la seule pensée qu'il ne serait pas seul à le posséder lui apparaissait insupportable et une douleur pire que la mort. Oui, la mort, qui est le remède toujours proche et facile sans doute. Ceux de l'île l'ignoraient. L'étranger venait de l'apprendre. Joss ne répondit pas à Neil. Celle-ci, définitivement cette fois, entraîna la vieille Lame vers la sortie. Joss suivit machinalement et répétant en lui-même « Le mort doit dormir si tranquille !» Chapitre 4 Le mort. Les rendez-vous de Joss et de Neil au grand chêne des Trois Chemins était devenu plus rare. Plusieurs fois, Neil y manqua. Joss se plaignait, reprochait avec des mots fâchés ou tristes. « J'ai peur maintenant, depuis que l'étranger s'est pendu à l'arbre, » disait Neil. Joss en était d'autant plus aigri et amer. Le mort avait troublé sa vie. Enseigner le criminel amour du néant aux habitants de l'île. Il avait encore, et surtout, couvert d'un assombrissement éternel, l'arbre de l'amour et des rendez-vous, où, à jamais, son cadavre s'interposerait entre les amants heureux. C'est dans cette crainte que Neil désormais s'abstenait. Joss l'attendait parfois des heures au crépuscule, tandis que la campagne se colorait d'ambre et de violette. Les moulins s'assagissaient, les nuages versatiles s'arrêtaient à l'ancre dans le canal. Joss allait et venait dans l'ombre du grand chêne comme dans un préau. Il était prisonnier de cette ombre. Il attendait Neil, déjà très en retard, et qui, cette fois encore, ne viendrait pas sans doute. Et comme ceux habitués à vivre trop seuls, il parlait tout haut en d'étranges monologues. « Elle n'arrivera plus. C'est un prétexte, sa peur du pendu. Elle change de plus en plus. Elle m'aime moins. Peut-être qu'elle ne m'aime plus du tout. » Il rappelait ses souvenirs, les précisait. Ah, ce premier réveil de son soupçon, dans l'auberge des danses, le dimanche de la kermesse. L'immense trouble de Neil, sa pâleur chancelante à la nouvelle qu'un étranger s'était tué. Depuis, il avait su qu'elle les connaissait, ces maudits étrangers. Un moment, ceux-ci s'étaient mis à fréquenter assidûment l'auberge de la demi-lune, où elle habitait avec Pieter Desraux, son vieux père. Y en eut-il un qu'elle préféra et remarqua? Un commencement d'intrigue s'était noué, peut-être. Joss avait vainement cherché à recueillir des indices, des signes vraisemblables dans un sens ou dans l'autre. Douter, c'est le pire! Garder en soi d'impérieux soupçons comme un nœud de serpent, qu'on ne peut même pas tuer en cessant de les nourrir. En tout cas, la froideur de Neil augmenta sans cesse. Joss se disait, il est impossible qu'elle n'aime pas ailleurs pour s'être ainsi détachée de moi. Elle venait encore au rendez-vous, parfois. Mais une contrainte semblait immobiliser ses traits. Il y avait une gêne en tous ses mouvements. Et au bout de ses paroles, se refermait une porte, derrière laquelle s'allongeaient des silences mystérieux. Joss s'inquiétait. « Qu'as-tu ?»« Rien. »« Tu ne m'aimes plus. »« Pourquoi veux-tu que je cesse de t'aimer ?» Et elle lui reprenait les mains, les serrait un peu, mais d'une étreinte où il n'y avait plus que de l'apitoiement, et comme celle durant laquelle on glisse une aumône. Joss se laissait vite leurrer, rasséréné. On croit aisément ce qu'on espère. Mais quand elle n'était pas venue, manquait une fois de plus au rendez-vous promis, et qu'il se trouvait seul devant le crépuscule qui s'aggrave, la mort des reflets dans le canal, les croix des moulins. Alors, tous ces soupçons, ces inquiétudes, ces jalousies, ces tristesses renaissaient. Son amour s'était multiplié, compliqué comme un arbre, comme ce grand chêne des trois chemins. Arbre fraternel. Il porta aussi le nom de Neil, qui naquit en lui, clair et joyeux, régna, s'enfonça jusqu'au cœur du bois, s'agrandit parmi l'écorce. Mais le temps avait accompli son œuvre. À force de s'agrandir, le nom se défit sur le tronc. Les lettres, trop accrues, s'étaient déformées, changées en signes indistincts, en rides soucieuses. Le nom de Neil déjà périssait à l'arbre de leur amour, qui, de plus en plus, se fonça dans une obscurité grandissante. avec le sinistre corps du pendu au travers. Ah, ce cadavre, il avait fait tout le mal. C'est depuis sa découverte que Jos fut malheureux, devint jaloux, vit périr sa confiance devant l'insolite bouleversement de Neil. Depuis, il sentait toujours le fantôme pendre à travers son amour, ainsi qu'à travers le grand chêne. Et il se répéta comme une obsession. « Le mort doit dormir si tranquille !» On avait raconté dans le pays que l'étranger s'était suicidé pour un chagrin d'amour. Une femme l'avait trahi, délaissé, après l'avoir accompagné jusqu'ici. Ah, les cœurs fantasques des femmes! Jos songeait à Neil. Le mort lui devint moins ennemi. C'était l'étranger, mais c'était le frère en destinée et en douleur. Il s'intéressa à lui, à sa vie, aux circonstances, au chemin de manigance qu'il avait conduit jusqu'aux chaînes des Trois Chemins, pour y mourir. Il chercha à reconstituer même sa mort. Il le suivit en pensée jusque-là. Il aurait voulu savoir à quelle branche il fixa la corde homicide. Comment il s'y prit, ascensionna, se passa le nœud, s'élança dans l'espace et la délivrance. Jos suivait tous les détails. Un à un. Il les savait ? Il connaissait maintenant le désespéré. Il s'était fait de lui une image qui devait être ressemblante. À force de penser à lui, il arriva à l'entrevoir, à le voir. D'abord imprécis, forme vague et balancée, à l'endroit de la vaste ramure où il était probable que la corde fût attachée. Puis, net et ressuscité, rôdant autour de l'arbre, fantôme qui a gardé le visage roux de son signalement. Ainsi, Jos crut l'apercevoir auprès de lui, un soir que Neil n'était pas venu et qu'il s'attardait sur le banc. Naguère, il se disait à lui-même tout haut « Le mort doit dormir si tranquille !» Maintenant, la voix d'un autre, semblait-il, voix de l'écho ou d'un revenant, avait murmuré « Dormir si tranquille !» La tentation se précisait. Le pendu agissait en personne, comme pour prouver que la mort, en effet, n'est rien. Elle n'est que facile oubli et bon remède. « Dormir si tranquille !» La première partie de la phrase était tombée comme un masque. En la phrase simplifiée, apparaissait désormais le visage tentateur du mort lui-même. Jos s'épouvanta dans le premier moment. Les morts ne nous veulent que du mal quand ils reviennent. Il s'enfuit, n'osa même pas regarder en arrière vers le carrefour des Trois Chemins, où le grand chêne, sur le couchant encore jaune, agrandissait sa masse noire. Durant des jours, Jos demeura hanté. La vieille Barbara Lame, qui s'affligeait du chagrin visible de son enfant, prit peur à le voir hagard, épars, désemparé. Elle le questionna. « C'est-il, Neil, qui te fasse des misères? Tu es beau, mon fils, il y aura bien des autres filles belles pour toi. » Jos disait très doucement « Laisse-moi. Ne me dis rien. » Mais il restait près d'elle, tremblait d'être seul, ne sortait plus. Il redoutait le pendu des Trois Chemins, qui, à présent, dès qu'il se trouvait sans personne, surgissait derrière lui, le suivait, parlait au-dessus de son épaule, le brûlait avec sa barbe rouge comme une flamme, lui soufflait à l'oreille des mots sentant l'alcool et la tombe. Il n'osa pas en parler à sa mère, dont la peur aurait accru sa peur. Toutes les histoires effrayantes de son enfance lui revinrent. Donc, il avait aussi son revenant. Comment s'en délivrer? Par quelle obéissance ou quels accomplissements? Les revenants sont parfois exigeants. Ils n'en agissent que pour eux-mêmes. Ils ont des buts qu'il faut deviner, sous peine de les voir s'éterniser autour de soi. On connaissait dans le pays des obsessions de ce genre qui avaient tourmenté les villages. Entre autres, un revenant qu'on voyait chaque nuit entre deux champs, portant une lourde pierre et implorant sans cesse « Où dois-je la mettre ? Où dois-je la mettre ?» Cela dura des années. Un ivrogne passant répondit au hasard « Mais là où tu l'as prise !» Le revenant laissa choir la pierre qui tomba à l'endroit où elle fut primitivement, borne séparant sa terre de celle du voisin, qu'il avait déplacée à son profit et par fraude. Ainsi, son âme fut délivrée. On citait encore d'autres revenants dans l'éveillé, celui surtout qui, ayant tué une jeune fille rebelle à son amour et s'étant suicidée ensuite, apprit en enfer que sa victime était en purgatoire. Il revenait demander des messes pour elle, pour qu'elle entrât au paradis. Que voulait le revenant du grand chêne des trois chemins? Jos n'essaya même pas de deviner. Il lui semblait d'ailleurs qu'il ne désirait rien pour son propre compte. Il était tranquille d'âme et de visage. Il ne s'inquiétait plus d'ici-bas. Il se trouvait bien de l'autre côté de la vie. Si bien qu'il conseillait de l'y suivre en paroles négligentes, d'une allure de bon conseil qui consent à faire bénéficier quelques-uns de son expérience. Mais il ne se démasquait point, s'en tenait à des propos vagues sur l'agrément d'être un mort. Un soir, tout se précipita. C'était à un crépuscule d'octobre où la campagne, plus que jamais, se colorait d'ambre et de violette. La mort de l'été traînait dans l'air. Les nuages faisaient des meules de rayons d'or. Une odeur de fruits trop mûrs affadissait. Il y avait la tristesse de ce qui va finir. Jos eut avec Neil une conversation décisive. Elle était revenue, cette fois, sous l'arbre mémorable où son nom déjà périssait, faisant place à d'autres. Jos la questionna, insista, voulut savoir à n'importe quel prix, mais plus cette incertitude qui le tuait. Qu'était-il arrivé? Comment était-il tombé, après une telle aube d'amour, à cette obscurité où il ne se cherchait même plus? Jos querella Neil tout de suite. « Qu'as-tu? Tu ne viens plus jamais au rendez-vous. Tu en aimes un autre !» Neil ne répondit pas, ne protesta pas. Elle parut très triste. Tout chavira dans ses yeux. Elle implora. « Oh, Jos, épargne-moi. Souviens-toi de nos anciens soirs. Je te disais, mets ta main gauche sous ma tête et que ta droite caresse mon visage. » « Ne me rappelle pas mon bonheur !» cria Jos. Il était hagard, furieux. Sa voix tremblait. « Réponds-moi, tu en aimes un autre ?»« Je n'ai jamais aimé que toi. »« Et l'étranger ?»« Quel étranger ?»« Celui qui t'a fait pâlir, pour la vie duquel tu as tremblé le jour de la kermesse. J'ai bien vu, Neil, j'ai compris. Je ne suis ni aveugle ni sot. » Et puis je me suis renseignée. Alors, tu sais tout. Eh bien, tant mieux. J'en ai assez des cachotteries et de toujours mentir. Neil crut que Jos avait appris le cruel secret qui l'emplissait de honte et de douleur. Elle espéra mériter du moins la pitié par sa franchise. Et perdant la tête tout à fait, « D'ailleurs, je le jure sur ma vie, je n'ai jamais aimé que toi. L'autre m'a eu, je ne sais comment, à force de me circonvenir, de me vouloir. Je ne sais vraiment pas pourquoi cela s'est fait. C'est la destinée. Il m'a prise de force, comme le pays. » Jos s'était levé, tragique. « Ah, ces affreux étrangers! Celui-là, je le tuerai !» Il parut un fou, marcha dans une grande agitation, cria. Ses mains semblaient tenir des coups et la mort. Il maudit, jeta sa douleur dans le vent comme s'il avait vomi du sang. Puis la crise évolua. Ses larmes ruisselèrent. Il s'en revint vers Neil qui pleurait, accablé, sur le banc. Il lui prit les poignets, les serra dans une rechute de colère. « Malheureuse, misérable, qu'as-tu donc fait ?» Il fut impitoyable, la tortura, exigea toute la confession. « Où ? Quand ? Et comment ? Est-ce bien vrai qu'elle n'a pas voulu ? Pourtant l'étranger ne l'a pas violée. Cela, elle n'ose pas le dire, elle est donc coupable, elle a très bien consenti. Ah, et le nom du galant ?» Neil résista. « Tu vois bien que tu l'aimes, tu trembles encore pour lui. »« Non, il est reparti. »« Ah, il est reparti, c'est admirable. Il t'accueillit en passant, n'est-ce pas, comme une belle fleur, la plus belle fleur de l'île. » Joss éclata en sanglots. Neil pleurait aussi. Consolation des larmes qui se mêlent et qui en semblent moins amères, comme si le sel se délayait, se perdait dans le flot, ruisselant d'être double. Joss se remémora les anciennes heures sous ce même arbre. C'était alors leurs cheveux et leurs mains qui se confondaient ingénument. Les beaux soirs, en allée. Joss s'apercevait alors dans les yeux clairs de Neil. Il y regardait les moulins agités, le ciel jaune, le grand chêne miré, la cime en bas. En ce moment-ci, il ne voyait plus dans ses yeux que de la pluie et le naufrage de tout reflet. Et il répétait sans cesse, comme un refrain dont la douleur se berce, « Malheureuse, malheureuse !» Elle s'obstinait dans son serment. « Je le jure pourtant, je n'ai jamais aimé que toi. » Tout à coup, Joss se rapprocha d'elle. On ne sait quelle pitié amollit son désespoir et sa rancune. Les larmes, dirait-on, quand la source cachetée s'en est rouverte, ne s'écoulent pas toutes au dehors. Il s'en égoutte une part sur le cœur, dont la dureté cède et devient impressionnable comme l'argile quand elle a été mouillée. Joss s'attendrit, s'apitoya, devint bénévole au récit de Neil, accepta l'excuse de sa chute. Et puisque l'homme était parti, la faute s'effacerait. Il n'en resterait que le souvenir indécis, la vapeur d'un mauvais rêve, quelque chose qu'on ne sait que par oui dire et qui est presque comme s'il n'avait jamais été. Joss tenait les mains de Neil dans les siennes. L'heure était triste et douce. Il chercha des paroles et n'en trouva pas. C'était meilleur de ne rien dire. Il éprouva une émotion dont il n'aurait pas pu dire si elle était douloureuse ou délicieuse. Impression équivoque de la convalescence. Il se rappela les jours d'enfance, ses maladies infantiles, quand il faisait tiède soleil et qu'on allumait quand même un grand feu dans sa chambre où il grelottait. Sensation de chaud et de froid. Les mains de Neil étaient deux ailes de neige dans le feu des siennes. Mains si menues de Neil, elles semblaient fondre. Joss les serra davantage. Il essaya de parler un peu. Ainsi, c'est bien sûr, tu n'as jamais cessé de m'aimer. J'ai juré, je dis vrai, répondit Neil. Alors, Joss eut l'air de sortir vainqueur d'un grand effort. Son visage se rapprocha du visage de Neil. Il se chercha dans ses yeux. Puis, éclatant, « C'est décidé, je te pardonne. D'ailleurs, je ne pourrai pas vivre sans toi. Nous allons nous marier cette fois, tout de suite. » Brusquement, Neil se leva, comme si un péril longtemps craint l'avait assailli, enfin. Au lieu de la joie, une immense détresse altéra sa face. Encore une fois, ses yeux chavirèrent, comme il lui arrivait chaque fois aux minutes graves. Elle murmura « Oh non, pas cela !» Et avant que Joss, stupéfait, eût pu la questionner et la retenir, Neil s'évada de l'ombre grandissante du vieux chêne et, comme talonné par l'épouvante, s'enfuit à grands pas, droit devant elle, tandis que sa jupe sombre balayait les derniers rayons du jour sur la route. Joss, demeuré seul, s'affala sur le banc qui circule autour du tronc. Tout de suite, il entendit le pendu descendre dans un bruit de feuilles, s'asseoir à côté de lui. C'était un moment favorable, l'heure de crise qui l'épiait dès longtemps, pour enfin préciser et vaincre. Joss perçut sa voix au-dessus de son épaule. « Tu souffres ?»« Oh, je souffre, comme quand on a une rage dedans et qu'on ne sait plus ce qu'on dit, où on est et ce qu'on fait !» criait Joss, voulant se parler à lui-même, mais répondant au pendu. Celui-ci insista. « Tu pourrais, si tu voulais, ne plus souffrir. » Joss lui répondit encore sous l'apparence d'un soliloque. « Le mort doit dormir si tranquille. » Il avait déjà émis cette phrase, tout de suite, à la première nouvelle du suicide, dans l'auberge où on dansait, le dimanche de la kermesse. Ce fut un présage, un signe de sa destinée en chemin. Les événements se vérifiaient. En ce moment, la phrase revint. Plus obsédante, toute chaude de la bouche de tentation qui la proférait, chaude de la barbe rouge toute proche. Maintenant, Joss connaissait l'homme roux. Il le voyait de près, il n'en avait plus peur. Il conversa, discuta avec lui, l'approuva, se laissa convaincre. « Oui, vous avez bien fait. » Vous êtes délivré, heureux. En une minute, vous avez cessé de souffrir. Moi aussi, je voudrais cesser de souffrir. Ah, si j'avais prévu, j'aurais apporté ce qu'il faut. Joss songea. Où trouver une corde? Il chercha aux alentours, sonda la campagne obscurcie. Peut-être celle d'un mouton à l'attache. Le soir était vide. Joss se buta aux ténèbres. L'homme roux le suivit, mais à distance. Joss se ressaisit un peu. Un coup de vent dans les feuilles fit le bruit d'une foule. Le grand chêne sembla s'ameuter, crier après l'homme roux qui voulait faire de l'arbre d'amour, qu'il est, un arbre de mort. Joss prit peur, comme s'il avait conspiré avec le revenant contre la vie. Colère du soir allait l'atteindre aussi. Il voulait vivre, vivre. La vie était belle, le soleil était beau. Il irait dans un autre village, ne verrait plus Neil et l'oublierait. Et, pris d'une terreur panique, de la peur de mourir, il s'enfuit dans la direction où il y a des fermes, regagna sa maison. Les jours suivants, il demeura dans l'angoisse. La vieille Barbara Lam se désolait de le voir si pâle, inquiet, épars, désœuvré, sans cœur à l'ouvrage, ne mangeant même plus. Elle comprenait bien qu'il avait un irrémédiable amour. Il ne se consolerait pas avec les autres filles. « Si c'est Neil qu'il te faut, mon fils, j'irai lui parler, moi. » Joss écoutait, devenait plus triste. Il avait pitié de la bonne vieille. Ah, sa mère, qu'il devrait bientôt, à son tour, aider à marcher, faire marcher à lents pas, comme elle fit pour lui, tout petit. Comment la laisser seule sur les vieilles routes ridées de la terre? Sans elle, il se serait déjà tué, dès le premier jour. L'obsession continua. L'idée que le pendu était bien tranquille ne le quitta plus. Il essayait, pour se délivrer, de penser à sa mère, au devoir filial. Il se mit aussi à boire pour échapper au pendu. Mais Celui-ci revenait au moment le plus trouble de son ivresse, se battait avec lui, voulait l'emmener. « Viens avec moi, tu seras si tranquille. Je te montrerai la branche qu'il faut choisir au grand chêne des trois chemins. » La tentation maintenant était directe. L'idée du suicide se développe comme un amour. On rencontre une femme, elle a passé, fugitive, troublante déjà. C'est la première entrevue. On la revoit et on découvre qu'on en est impressionné, accaparé, beaucoup plus qu'on ne le croyait. Que s'est-il passé? Il y a eu une incubation, un accroissement dans les limbes de l'inconscience. L'amour s'est augmenté à notre insu, entre la première rencontre et la seconde, où il apparaît déjà que c'est pour la vie. L'obsession était vague à l'origine, intermittente. Elle devient aiguë, quotidienne. Elle est permanente. Ainsi, l'idée du suicide, qui provoque de même et ne fait plus grâce. Jos voulut s'exorciser encore, oublier, mais par d'autres moyens. Or, chaque fois qu'il se mettait à boire, le pendu, il le connaissait bien maintenant avec sa barbe de feu, son visage de neige, venait s'asseoir à côté de lui, le tourmentait. « Ce sera long jusqu'à ce que tu sois tout à fait ivre. Mon moyen vaut bien mieux pour oublier. » Et le pendu lui tirait la langue, secouait le banc de l'auberge, d'où il tombait à la renverse et se bossuait la tête. Souvent, il le menaçait. « Si tu ne m'obéis pas, je reviendrai jour et nuit. Je te rendrai fou. Je t'arracherai de ton lit. Je tirerai tes draps en un câble blanc comme la lune. » Le câble blanc du vaisseau dématé qu'est la lune, et je te pendrai moi-même à ton plafond noir. » Jos, épouvanté, s'enivra davantage. Durant des jours, il rôda comme une bête par les champs. Pourtant, le plein air le pacifia un peu. Il y eut une accalmie, une embellie. Non pas qu'il se reprît à l'espoir et à la vie, mais il communiqua avec la mort d'un esprit tranquille et purifié. Il eut des yeux sages, des gestes nobles pour acquiescer à la destinée, déjà inévitable. Surtout que le pendu, de son côté, se montra cauteleux, s'excusa de l'avoir entraîné. Ce n'est pas de sa faute si le suicide est contagieux. Colora la mort volontaire dans un cas comme le leur de bonnes raisons spécieuses et raffinées. Il en arrivera pour toi comme pour moi. L'homme roux le tutoyait à présent. Le moyen d'être le mieux aimé par une femme est de se tuer pour elle. Il n'y a en effet que les morts qu'on puisse aimer toujours. Toi, Neil, te repousse quand tu auras suivi mon conseil. Elle versera toutes les larmes de ses yeux et te regrettera à jamais. Jos tergiversait. Il lui restait l'émoi physique, la peur du mal et surtout de se manquer. Mais ici encore, le pendu l'avait rassuré. C'est l'affaire d'un instant. On ne souffre pas. Un bond dans le vide, on est arrivé à la mort, sans s'en douter. Et il ajoutait avec un sourire. Je le sais par expérience, n'est-ce pas? Jos hésitait encore. Il avait choisi une corde. Pas très solide, en somme, il se dit « Elle cassera, peut-être. Tant pis, c'est que c'est écrit, on ne peut pas changer le sort. » Il voulait mourir, puis il ne voulait plus. Un soir, il sembla décidé. Il s'achemina vers le chêne des trois chemins. muni de la corde adoptée, qui ne le quittait pas. L'arbre s'offrait, auguste dans le jour finissant. Architecture compliquée, voûte vivante d'une cathédrale que le rêve de chacun achevait. Ça avait été le temple de toutes les amours de l'île. Les feuilles avaient un remuement de lèvres, comme si elles étaient les bouches des millions d'amants venus là. Elles balbutiaient, elles frémissaient comme d'un baiser. On aurait dit qu'elles cherchaient, ses lèvres vertes, à baiser encore sur le vieux tronc le nom survécu qui fut leur amour en d'autres âges. L'amour et la mort ont des analogies étranges, des attirances énigmatiques, et ils communiquent par des corridors dont on ne trouve la clé que dans l'éternité. Le chêne des rendez-vous d'amour était devenu le chêne de la mort. Pourquoi ce fantasque étranger l'avait-il choisi pour se pendre? Et maintenant, Joss, à son tour, allait s'y tuer. Certes, l'homme roux qui l'avait entraîné là voulut lui faire suivre son exemple point par point. Néanmoins, Joss sentait confusément qu'aucun autre arbre ne l'aurait accueilli, n'eût été complice ainsi. Celui-ci, qui fut le temple de l'amour, était déjà le temple de la mort. Et les noms des anciens couples sur l'écorce lui apparurent tristes et à demi effacés comme ceux des morts sur les pierres tombales d'une église. Joss chercha, parmi l'ascension de la ramure, la solide branche où l'homme roux s'était pendu. Lui-même, un jour, la lui avait indiquée. Le feuillage en resta éclairci autour. Il s'était creusé comme un tombeau dans le feuillage de la dimension de son corps, à la place où il s'élança. D'autres massifs, parmi l'arbre immense, s'approfondissaient encore comme des alcôves. Mais il y avait ce trou béant dans la verdure, cette fosse creusée. Et d'autres fosses s'ouvriraient. La mort était dans l'arbre et dormait avec l'amour. Arbre éternel, arbre des premiers jours humains, arbre des derniers soirs sur la planète refroidie, arbre unique du bien et du mal, où l'homme n'a le choix que de la femme ou du serpent, de l'amour ou de la mort. Tentation monotone, scène unique de la Genèse. Après quoi, c'est toujours la fuite hors du paradis et la recherche d'une terre privilégiée où on dormira du sommeil sans réveil. Joss subissait le funèbre enivrement qu'on goûte à considérer la mort, non plus comme une idée abstraite ou lointaine, mais comme un fait immédiat. L'homme roux se tenait près de lui. Il insista. « Dépêche-toi. » Le jour tombait tout à fait. « Tu ne verras plus clair. » Il lui montra la branche résistante où lui-même avait fixé la corde. Joss atermoyait. Il voulut revoir encore une fois, sur le tronc vénérable, le nom de Nil, le doux nom gravé naguère avec la pointe de son couteau, et qui était à demi effacé, couvert par d'autres, déjà comme un nom mort, pour lequel il allait mourir lui-même. Un vent froid monta du canal. Le feuillage frémit, se déplaça comme une foule. Joss ne vit plus le trou profond, la fosse dans la ramure. On aurait dit que cette fosse, la sienne, s'était comblée. Une fois encore, il accepta l'augure, eut peur de mourir. D'un pas de fuite, il s'éloigna, si vite que l'homme roux ne put le suivre. Et il s'achemina encore une fois vers les demeures des hommes, songeant à sa vieille mère, reprise à la vie. Et il marcha longtemps avant d'oser se retourner vers le grand chêne des trois chemins, qui, de loin, sur le soir obscur, se fonçait, s'identifiaient avec l'ombre, cessaient d'être. Chapitre 5. La Saint-Nicolas. Le jour de la Saint-Nicolas, il y eut fête dans tout le pays. Joyeux train de violonneuses et de danses parmi les auberges. Ce jour-là est la grande fête immémoriale, fête pour les enfants devenue la fête pour tous, où on échange des cadeaux, des amitiés, des visites. Les routes résonnaient de rondes populaires, de traîneaux aux formes de barques, qui filaient sur la neige avec le bruit des grelots du cheval, carillons de cuivre, petits bruits salés, très doux dans le silence ouaté de l'air. En ce début de décembre, l'hiver était rude déjà. Depuis des jours, la neige s'accumulait en couches épaisses. Les moulins émergeaient, noirs et blancs, ailes en demi-deuil, moins blanches de la farine que de la neige. Ils donnaient l'impression de moudre des flocons. Ils gelaient en même temps. Le canal qui traverse l'île était pris. Des bandes de patineurs le sillonnaient. Et il y avait, installé sur la glace, des échoppes où on vendait de la nisette, du punch chaud, des crêpes, et aussi des fichus, de la bimbeloterie pour les cadeaux de Saint-Nicolas. À l'auberge de la Demi-Lune, chez Pieter de Roux, la foule surtout afflua. Liesse bruyante. On venait d'y installer un orgue nouveau, un grand orgue mécanique, venu des continents. Véritable orchestre aux bruits vastes et compliqués. On y entendait tour à tour un gazouillis d'aube, 100 oiseaux chantant, perchés sur de petites notes des sons de flûte. Puis des airs allègres, guerriers, passionnés, une mélodie qui s'enfle, et soudain comme des coups de tonnerre de musique. L'orgue jouait aussi des danses. Chacun avait voulu le voir, l'entendre. Tout le jour, ce fut un long défilé. Il fallut défoncer plusieurs tonnes de capiteuses bières blondes pour contenter tous les buveurs, dont la gaieté un peu ivre faisait une cour de bruyants galants autour de Nil, immobile au comptoir et surveillant les servantes. Même le bourgmestre et le pasteur Titeka étaient venus honorer de leur présence l'inauguration de l'orgue chez Pieter de Roux. Ils le félicitèrent, le firent s'attabler avec eux. Et le compère alla chercher, à leur intention, dans sa cave, un de ses plus vénérables cruchons de vieux chez dames. Il dit avec fierté « Hein, cela brûle doux comme nos soleils d'hiver !» Le pasteur le complimenta également sur le bel orgue. Mais il ajouta « C'est dommage qu'ils proviennent de l'argent étranger. » De Roux prit un air embarrassé. C'est vrai, mais de l'argent, cela ne se refuse pas. Le bourgmestre interrogea. Vous voilà tout à fait riche. Riche, riche. Les étrangers ont voulu une partie de ma terre pour le chemin de fer. D'abord, ils devaient passer beaucoup plus loin. Puis ils ont décidé qu'ils passeraient par ici. Et ils ont scindé mes pâtures, et il fallait bien m'indemniser. Il paraît, fit Titeka, que vous leur avez mis un rude marché à la main. Ne fallait-il pas en profiter, des étrangers? Oh, là-dessus vous avez raison. Donc, ils vous ont donné une fortune. Le bourgmestre questionna. Il paraît que cela vous a brouillé avec votre frère. « Oui, répondit De Roux, j'en suis même désolé. Est-ce ma faute? Mon frère fut déraisonnable. C'est l'envie, voyez-vous. Il reçut en partage, de feu notre père, juste le même bien que moi. Il ne peut pas supporter que nous ayons à présent un pécule différent. » C'était le secret du bonheur dans l'île, dit le pasteur. Tous pareils, ayant la même part, comme ils font la même ombre au soleil. J'avais bien prévu les divisions, les haines, les jalousies, le malheur de tous quand l'égalité serait rompue. Vous, maintenant, vous avez plus que les autres, donc vous avez trop. Dites simplement que je ne suis plus pauvre, observa De Roux, d'un ton navré. J'ai de quoi partager avec Neil quand elle aura un épouseur. Titeka demanda. Mais je croyais qu'elle était promise à Jos, le fils de Barbara Lame. Elle a voulu, et puis elle n'a plus voulu. Les jeunes filles, ça ne sait pas, c'est fantasque. Moi, je donnais mon consentement. À présent, j'ignore où en sont ses idées. Elle est absorbée, elle est triste. Elle doit avoir un chagrin caché, quelque chose qu'elle ne me dit pas. Le bourgmestre et le pasteur, d'un même mouvement, s'étaient tournés du côté du comptoir où Neil trônait, un peu pâlie et soucieuse, en effet, dans ses fichus de fête et ses clairs bijoux. « C'est égal, elle est ravissante, » dit Titeka. « Et elle est si bien la fleur de notre race, le type unique de l'île. » Le bourgmestre acquiesça et il ajouta. « D'ailleurs, aujourd'hui, tout s'harmonise ici. On s'aperçoit que ces maudits étrangers sont partis. L'île redevient elle-même. Où trouver ailleurs ce spectacle ? Regardez !» À ce moment, l'auberge de la demi-lune regorgeait. Toute une jeunesse attifée et galante buvait, riait, dansait, ainsi qu'au soir de kermesse. Dans les verres comme des tulipes, tremblaient des liqueurs comme un soleil de brume. Les femmes offraient le tabernacle des corsages, les cloches brimbalaient des jupes, les multiples bijoux ou des lueurs ricochent. Linge, dentelles, rubans fleuris, galons de velours, colliers de corail, tous les détails des costumes séculaires. Et les hommes, mêmement, glabres, vêtus de drap noir, coupés selon des formes étranges et immuables, avec des bijoux multiples aussi, toujours pareils à leurs ancêtres qu'on voit peints dans les vieux portraits de syndics et d'échevins. Titeka exulta. Son patriotisme jaloux et particulariste s'enfla d'orgueil. « Nous sommes restés nous-mêmes » cria-t-il. « Encore une fois, les étrangers n'ont rien pu contre nous. Rien n'a changé. Qu'ils aillent ailleurs porter leur farce du progrès et de la civilisation, tous les grands mots pour cacher tous les grands vices. » Titeka Vaticina ouvrit des gestes de triomphe, défia le monde et l'avenir. Tout à coup, la conversation du pasteur et du bourgmestre fut troublée par la cessation brusque des danses, tandis que l'orgue continuait à jouer. Une nouvelle, apportée du dehors par de nouveaux arrivants, avait fait s'immobiliser tous les couples. Une stupeur était peinte sur les visages. Un instant après, on avait arrêté la manivelle de l'orgue, comme si la musique devenait sacrilège en présence de l'événement. Qu'était-il arrivé ? Le bourgmestre courut s'informer. Aussitôt, il s'en revint, livide, vers la table où Titeka et Pieter de Roux étaient restés assis. « C'est horrible !» leur jeta-t-il. « Jos, le fils de la vieille Barbara Lame, s'est pendu. On l'a trouvé au chêne des Trois Chemins, mort et tout froid. Des hommes l'ont rapporté déjà chez sa mère. Il paraît que la vieille Lame est folle et court en criant sur les routes. » Il n'avait pas fini de parler que la porte s'ouvrit violemment. Barbara Lame entra, si blême qu'elle semblait une morte. Ses vieux cheveux gris s'étaient défaits. On aurait dit que, démente, elle s'était couvert la tête et le visage de toile d'araignée. D'un trait, elle bondit vers Neil, qui, seul au comptoir, ne savait pas encore. On s'interposa, car ses mains se tendaient comme des griffes. Elle cria « Jos est mort! Mon Jos est mort! C'est la faute de Neil! Ah, la coquine! Mon Jos est mort !» Un silence immense avait d'un coup régné. Tous se découvrirent devant cette douleur, auguste comme la mort. Les hommes restaient debout, têtes nues, rangées. Les femmes avaient agenouillé les cloches de leurs robes et elles prièrent. Barbara Lame criait toujours avec sa voix de corneille dans des ruines. « Jos est mort ! Jos est mort !» Neil s'était évanoui dans les bras des servantes accourues. Le pasteur, le bourgmestre s'approchèrent de la vieille Barbara, eurent des mots calmants de vieillards qui connaissent la vie. Ils cherchèrent à l'interroger, à savoir tout le drame. Sa colère, alors, devint de la douleur. Une douleur prolixe qui laissait aller des paroles avec les larmes. Elle raconta ce qu'elle savait. Joss aimait trop Neil, et elle ne l'aimait plus. C'est depuis l'arrivée de ces maudits étrangers. Elle avait connu l'un d'eux. Elle l'avoua elle-même à Joss. Mais Joss avait un si grand cœur, il lui pardonna. Il voulut l'épouser quand même, et tout de suite. Neil refusa. C'est son fils lui-même qui, un soir, lui avait raconté l'histoire, tous les détails. Après ce refus de Neil, Joss tomba en mélancolie. Il n'eut plus goût à rien. Il renonça à sortir, passa toutes les journées dans sa chambre, les volets clos. Il ne dormait plus la nuit. Et il se mit à errer dès qu'il ne faisait plus clair, à courir par la campagne. Ah, tout ce qu'il a dû remuer d'idées noires et souffrir. Aujourd'hui, il aurait souffert davantage parmi la fête de Saint-Nicolas et la joie de tous. Il n'a pas voulu voir cette joie. Ce matin, il n'était pas rentré. Elle s'inquiéta, chercha partout. Et tout à l'heure, on l'a trouvé au grand chêne des Trois Chemins, à la même place où s'est pendu l'étranger. Barbara Lame cria de nouveau « mon Joss est mort !» Puis, réfléchissant tout à coup, « Mais pourquoi Neil avoua-t-elle elle-même qu'elle avait connu un étranger ? Et pourquoi, puisque Joss lui avait pardonné, refusa-t-elle de se marier ? Voilà ce que je n'ai jamais compris !» À ce moment, Neil revenait à elle. Elle ouvrit de grands yeux, si triste, si mouillée, si effarée. On aurait dit qu'il y avait plu longtemps. La conscience lui revint. Elle éclata en sanglots. Les larmes débordèrent, inondèrent son visage. Barbara Lame, reprise de fureur, voulut s'élancer. Elle l'aurait piétinée, griffée, tuée. Des mains s'interposèrent. Alors elle se dirigea vers le pasteur. « Mais demandez-lui donc, pourquoi n'a-t-elle pas voulu, puisque Joss pardonna ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Elle se tourna vers Neil, suppliante. « Neil, dis-le-moi, je te pardonnerai aussi, dis-le-moi, je saurai du moins pourquoi mon Joss est mort. » Alors Neil, comme si dans cette confession publique, elle allait se faire absoudre de ses fautes et se régénérer par la franchise, lasse au surplus du poids de son péché, qui, invisible aux autres jusqu'ici, était déjà lourd en elle, fit un effort. Et, avec une voix d'agonie, répondit « Barbara Lame, approche, je te le dirai. » Un moment après, tous surent à leur tour la terrible vérité. Quelques-uns s'attendrirent sur Neil, qui, en effet, ne pouvait pas épouser Joss, lui imposer l'enfant de l'étranger. La plupart s'indignèrent. Le pasteur Titeka s'exalta, frémit d'une patriotique douleur. « Nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes atteints dans le sang de la race. C'est un crime de lèse-patrie. Neil est indigne, il faut qu'elle subisse l'indignité. » Dans le silence, le mot redoutable avait jailli, comme un arrêt. C'était le nom d'une peine publique. Le châtiment ancestral, la coutume du passé de l'île, toujours observée. Une sorte de dégradation civile, appliquée sans appel par les habitants, sur l'ordre du pasteur, à ceux qui avaient failli. Ici, puisqu'il s'agissait d'une jeune fille, ce sont toutes les jeunes filles présentes qui durent exécuter la sentence. Elles s'avancèrent. L'une derrière l'autre, vers Neil, passive et tout en larmes, soutenue par les bras des servantes. Chacune, à tour de rôle, eut à lui arracher quelque chose de sa parure. L'une, la guimpe de dentelle de son corsage, l'autre, les tire-bouchons d'or de son bonnet. Une autre encore, la plaque ciselée de son front. D'autres, le collier de corail à trois rangs de son cou, les galons de velours des manches, son fin tablier d'un bleu de ciel de mai, ses larges bagues occupant les doigts jusqu'à la phalange. Chaque fois, elle apparaissait plus dénudée, assombrie, perdant un à un chacun des détails colorés qui constituent le costume original de l'île. Titeka s'écria : Voyez ce qu'il en adviendra de nous. Nil n'est plus vêtue comme les nôtres. Elle est vraiment la femme de l'étranger. Nil pleurait, grelottante dans sa toilette, dont les ornements clairs étaient tombés. Sa toilette, déjà comme celle des autres pays, sa toilette sombre. Elle semblait en deuil d'elle-même, en deuil de l'île. Le pasteur Titeka, que ces révélations avaient bouleversé, ne cessait pas de s'exalter, de vaticiner le pire avenir. « Nous devrions, nous aussi, arracher nos habits, nous couvrir de deuil et de cendres. Le malheur est parmi nous. Les étrangers nous ont perdus. Ils nous ont apporté tout le mal, l'ivrognerie, la haine, la luxure, et aussi le suicide, qui était ignoré ici. » Et qui maintenant va servir, car le suicide est contagieux. C'est pour cela que Jos est allé se pendre aux chaînes des trois chemins, à l'endroit même où l'étranger se pendit, enseigna ce péché abominable. Jos, à son tour, y a été entraîné par une occulte attirance, les miasmes de cette épidémie mentale qu'est le suicide. D'autres maintenant vont se tuer. « Abattons l'arbre !» cria une voix. « L'arbre sera la mort quand même !» répondit le pasteur. « Abattu, il continuera la contagion. Qu'on l'enterre, il nous attirera dans la terre. Il est la mort, vous dis-je. Nos cercueils sont déjà dans son bois. Nous sommes morts. L'île est morte !»« Abattons l'arbre !» répétèrent des voix grossies, décidées, bientôt innombrables. Soudain, il y eut une poussée violente du côté de la porte. Toute une foule sortit, se rua, s'élança, muette et noire, à travers la campagne blanche de neige. On arriva au carrefour des trois chemins. Des hommes, en route, s'étaient munis de haches, de torches. Il y eut une minute d'indécision. Fallait-il abattre l'arbre ou l'incendier ? Le chêne défiait. Il s'élançait, compliqué et vaste. Sa ramure ouvrageait l'air, solide et délicate ferronnerie. Il semblait qu'il fût invulnérable, à l'abri du feu et des coups. Une neige bleuissante adhérait aux branches, les habillait d'argent mat et de tulle docile. C'était comme de la douceur sur de la force. Un printemps d'hiver, eût-on dit, qui mettait sur la vieillesse de l'arbre la floraison des flocons. Le tronc gardait sa patine de bronze. Même dans les ornières des lettres gravées, aucune gelée n'avait insinué des galons. Les noms des amants nouveaux régnaient, récents et vainqueurs sur les anciens noms effacés. Chacun y retrouva un peu de soi. Personne n'osa donner un coup de hache dans le vieux tronc plein d'amour et qui éternisait toutes les fiançailles de l'île. Le frapper, ça aurait été comme se frapper soi-même au cœur. Mais l'arbre aussi avait failli. Arbre des soirs d'Éden, arbre du bien qui était devenu l'arbre du mal, arbre d'amour qui était devenu l'arbre de mort. Il allait maintenant en vouloir des pendus comme naguère des amants. Lui aussi était indigne. Soudain, l'arbre fut rouge. Des torches incendiaires l'avaient atteint. Les flammes, une à une, procédèrent. Ce fut aussi comme une dégradation de l'arbre. L'une fit fondre aussitôt toutes les ganses de neige, les tulles, l'argent vif de la gelée au long des branches. la ferronnerie des hauts rameaux céda. Mais le tronc résista, comme une tour de fer où le feu ne pourrait pas mordre. Les flammes s'éteignirent sous les souffles d'un grand vent glacé. L'arbre survécut et n'en fut que dénudé. Il s'obstina, noir sur le ciel. Tous pensèrent à Nil. Le chêne des trois chemins était comme elle. Il n'avait perdu que ses ornements, la parure de la neige, des fines branches, quelques détails. Mais tout ce qui fut, était. Nil continuerait à dire l'amour de l'étranger. L'arbre continuerait à dire la mort de l'étranger. Dans l'île, heureuse d'être restée toute proche de la nature, un mal inévitable, nommé la civilisation, était entré, qui avait dégradé Nil, qui avait dégradé l'arbre. Le mal serait contagieux. Et chacun rentra, pensif, dans sa demeure, songeant à l'enfant futur de l'étranger, qui allait commencer dans l'île une autre race.